Merci Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Saint est le Seigneur Jésus. Oh oui, Saint est le Seigneur Jésus. Nous implorons ton précieux nom, Yahweh. Nous invoquons ton précieux nom. Kasi molimo santu te Mesia Nabenga kayo mo santu ya ya e Yo kita kase na kembo na yo Yo simba kabasali na yo Isala kapife nango Molimo kita e